L'année de tous les changements. 1982 est mort, vive 1983. En février, le visa de Faustine est échu. Il est temps qu'elle reparte en Europe avant qu'on l'affiche dehors, manu militari. Que dirait Maxime s'il perdait sa boniche préférée? Toutefois, avant la bataille administrative, Faustine entend profiter de ses vacances. Pour commencer, un petit tour dans sa famille. Les parents ont déménagé de Lugano à Lausanne, puis des Hauts de Lausanne vers la cathédrale, jusqu'au boulevard de Grancy, sous la gare. À deux pas de la maison où Faustine a vécu entre 5 et 10 ans. Maman a dégoté un travail passionnant. Elle est devenue la directrice du Centre universitaire catholique, CUC. Admettez que pour une athée, c'est pas mal. Ce ne sont pas ses qualités spirituelles qui sont requises, seulement celles de gestionnaire. Organisatrice hors pair, comptable compétente, elle s'emploie à remplir les chambres d'étudiants venus des quatre coins du monde. Elle loue également les 4 salles de conférence aux groupes intéressés, tels Amnesty International ou Caritas, et last but not least, gère la cafétéria. Beaucoup de jeunes et moins jeunes viennent de très loin étudier à l'UNIL, traduire Université de Lausanne. Parmi eux, des Chinois. Nous sommes en 1983, la Chine est entrée en ébullition. Il arrive ponctuellement qu'une voiture banalisée s'arrête devant le bâtiment du CUC. Des individus bridés à la mine sévère en descendent. Par l'entremise de la responsable, ils font venir le résident qui les intéresse, l'embarque pendant quelques heures, le ramène. L'intéressé est apparemment indemne. Il reprend le cours de sa vie comme si de rien n'était. Personne ne saura jamais ce qu'il a vécu, ni pourquoi on l'a interrogé. Diplomate, Madame la directrice évite les questions embarrassantes. Elle apprend à évaluer ses pensionnaires, à les diriger vers les bonnes instances administratives. Parfois, elle organise une exposition collective afin que les étudiants artistes aient une chance de vendre quelques travaux sans se faire arnaquer par des galeristes peu scrupuleux. Elle voit bien qu'ils vivent avec le strict minimum. Se remettant épisodiquement au fourneau, elle a pour eux des attentions touchantes. Chiffre d'affaires oblige, maman n'a pas le droit d'accorder des passe-droits à ses pensionnaires. Elle aimerait pouvoir fermer les yeux sur un loyer impayé, mais malheureusement elle doit rendre des comptes. Elle se débrouille malgré tout pour utiliser tous les prétextes imaginables à l'organisation de fêtes caritatives. Le centre étant à vocation catholique, ce ne sont pas les célébrations religieuses qui manquent. À la cafétéria, elle bénéficie de la complicité de Stéphane, le petit frère de Faustine, qui officie sous la houlette d'Alex, un ami cuistot professionnel. À sa sortie du conservatoire de Paris, Stéphane n'a pas trouvé d'autre engagement. Maman, avec son sempiternel besoin de tout contrôler, est bien contente de l'avoir sous la main. Faustine fait le plein des derniers potins et le tour de ses magasins préférés, puis son devoir filial accompli, prend le train pour les Alpes de Haute-Savoie et la jolie station des Arcs 1800. Cette année, les skieurs enragés sont suffisamment nombreux dans l'orchestre pour que Maxime lui lâche les baskets. L'homme part de bonne heure avec ses petits camarades sillonner les pistes de 9h du matin jusqu'à la fermeture aux environs de 16h. Ils aiment bien monter jusqu'à l'Aiguille Rouge à plus de 3400 mètres. Faustine l'a fait une fois, elle ne le fera pas deux. Ils sont complètement fous. Attirée par la balade en téléphérique, elle les a suivis un matin. Elle n'a jamais eu si froid et si peur de sa vie. Même si le spectacle enchanteur du soleil illuminant les sommets un à un l'a sommairement consolée de ses propres extrémités congelées. Épuisée, écœurée, elle est rentrée à l'hôtel faisant du chasse-neige aussi vite qu'elle le pouvait. Elle dépassera ses limites, comme ils aiment tant le dire, dans une prochaine vie. Après tout, regardez le fantastique déferlement de couleurs, bien au chaud sous la couette, mieux dans les bras d'un amant, ce n'est pas si mal non plus. Pourquoi certains êtres se sentent-ils obligés d'accomplir des prouesses sportives exténuantes, là où simplement profiter de la douceur de vie est autrement satisfaisant? Ces gens-là ne doivent pas savoir lire. Chaque année est différente dans la station alpine. Au gré des orchestres engagés, Faustine rencontre les unes ou les autres femmes de musicos. Elle et Lang vont bon train pour rattraper le temps perdu. Cette fois, Karl, le batteur, est venu avec son fils et une nouvelle maîtresse. Faustine surprend accidentellement une conversation entre le père et le fils. « Tu n'oublieras pas d'appeler ta mère ?»« Non, bien sûr, papa. C'est dommage qu'elle n'ait pas voulu venir, elle me manque. »« Oui, à moi aussi, mais peut-être l'année prochaine. Elle sait qu'elle est prioritaire. » « Ah bon, c'est quand même étrange cette mentalité, pense la jeune femme. On porte l'épouse au nu et on skie avec sa maîtresse. Drôle d'époque. » Mais là encore, elle n'est pas dans leur chambre à coucher, n'est-ce pas? La chimie des couples est vraiment un mystère total. Quelques jours plus tard, à Kennedy Airport, le sourire du douanier est toujours aussi chaleureux. Il a tamponné le passeport de Faustine pour la 4e fois et rit quand Maxime lui a dit qu'il avait besoin de sa compagne pour s'occuper de lui pendant au moins 6 mois, ce qui est le maximum des possibles en termes de visa. Une surprise les attend à Gainesville. Maxime reçoit un appel de leur ami Paul Estavert. La petite mamie qui louait leur rez-de-chaussée est décédée le mois dernier. Lynn et lui ont entièrement vidé et nettoyé l'appartement. Si Faustine et Maxime voulaient bien leur faire le plaisir de venir y habiter, ils seraient très heureux. Tu parles ! Le couple saute de joie. C'est une opportunité de rêve. Ils vivront à 500 mètres du bureau dans un domaine immense avec ses prés, ses champs, ses bois et son étang. Rendez-vous est pris pour une visite de principe dès le lendemain. Pendant leur promenade vers Spéral, les amoureux ont du blé à moudre et des plans à tirer sur la comète. Résilier leur présent bail, organiser leur déménagement, racheter des meubles, autant de sujets dans leur trémie. Ils se dirigent vers l'étang situé à l'autre bout de leur zone pavillonnaire, dans l'objectif d'en faire le tour. En descendant sur la berge, ils remarquent, bien enfui dans les hautes herbes qui le bordent, un grand nid rempli d'œufs. Curieux, Faustine et Maxime s'approchent encore. Ils n'ont pas le temps de stabiliser leurs jambes entre deux trous d'eau que du milieu du lac, un flap-flap-flap furibard approche à tire-d'aile, toute trompette dehors. En quelques secondes, papa et maman signent leur fonce dessus. Ces oiseaux véloces, toutes ailes déployées, gigantesques, dont on peut apercevoir les dents à bonne distance, sont terriblement impressionnants. Sans mentionner les cris, nos deux promeneurs en état de choc prennent leurs jambes à leur cou, retournent s'enfermer chez eux comme s'ils avaient le diable aux trousses. Audacieux mais pas téméraire, les morsures de cygnes en colère n'ont pas bonne réputation. Une allée bordée de sapins majestueux mène à la propriété. Sur le talus qui ouvre l'accès à l'étage supérieur où vivent Paul et Lynn, deux chênes d'Amérique dominent, hiératiques. En contrebas, siège une grande table en bois soudée à ses deux bancs, à côté d'un bûcher, réserve de bois de cheminée, bien rempli. Des framboisiers et autres buissons de petits fruits sont disséminés sur la pelouse. On admire encore deux chevaux paisibles dans leur pré, des écureuils sautant d'arbre en arbre, criant leur joie, complète ce tableau idyllique. L'endroit respire l'harmonie, la sérénité. Tout cela ressemble fort au paradis sur terre, déclare Maxime, qui ne regrette pas une seconde d'avoir accepté de déménager. Le temps de faire les cartons, Maxime et Faustine emménagent pendant les vacances de Pâques. L'appartement où le couple s'installe en avril 1983 ne manque pas de charme. Faustine lui trouve un côté rassurant. Comme on le sait, la maison est bâtie sur 2 niveaux, dont le premier est partiellement enterré pour cause de déclivité du terrain. Chez eux, salon et cuisine forment un seul bloc de 10 mètres sur 5, ouvrant sur 2 chambres à coucher séparées par une salle de bain. Il y a plusieurs entrées possibles, par le salon jardin d'hiver dont toutes les fenêtres donnent sur le bois, ou encore par un long couloir muré parallèle à la maison. Cette dernière entrée aboutit à une ancienne salle de jeu sans fenêtre, mais dotée d'une cheminée. Il y a également la buanderie dans le réduit voisin qui accueille la citerne à mazout. Non seulement Faustine pourra y laver et sécher son linge, mais elle aura la possibilité d'y faire lever son pain pendant l'hiver. un avantage précieux auquel elle est très sensible. Seul inconvénient, tout au début de leur installation, la quantité de faucheux qui recouvrent les murs extérieurs. Ces eupilions ou arachnides sont totalement inoffensifs. Ils ne tissent pas de toile, mais là, sur le mur, il y en a des centaines, voire des milliers. Bien sûr, ce ne sont pas carrément des araignées. Bien sûr, ils ne piquent pas. Mais Faustine craint sans cesse qu'ils lui tombent dans les cheveux ou s'infiltrent dans ses vêtements. Au début, elle crie lorsqu'elle en voit passer un sur son oreiller. Puis, peu à peu, elle s'habitue, finissant par se contenter de les chasser d'une main distraite. Preuve que l'humain s'habitue vraiment à tout. S'il est plus petit que le précédent, Faustine ne manque pas de place dans son nouveau logis. Il y a même un lave-vaisselle. Hélas, il est en panne. Et ce n'est pas ce radin de Maxime qui va investir dans les réparations. Faustine n'insiste pas. Dans le fond, elle s'en fiche un peu. De tout temps, elle a aimé mettre les mains dans l'eau chaude et rêvasser en lavant couverts et casseroles. Presque toujours, des idées géniales surgissent dans ces occasions. Là, maintenant, tout de suite, elle couve le germe d'une histoire, d'un roman. La première ligne défile, suivie de toutes les autres. Hélas, la jeune femme est si bien conditionnée, travail d'abord, plaisir ensuite, qu'elle reporte encore et toujours ses envies d'écriture. Ce n'est pas de la procrastination, elle en ignore jusqu'au terme. Non, c'est le sens du devoir. Elle ne sait pas encore qu'il faut sauter sur l'inspiration, sans attendre, tout à fait cessante, de crainte qu'elle prenne la fuite. Parce que, bien sûr, une fois rongée la dernière tasse, le dernier couteau, les linges mis à sécher où il se doit, l'état de grâce affiche le camp. Et les mots qui vont avec. La muse reste muette jusqu'à la prochaine vaisselle. Dans les jours qui suivent, les deux amoureux font le tour des brocantes. Il s'agit non seulement de recevoir les filles dignement quand elles viendront en vacances, mais surtout d'affiner pendant l'année scolaire. Une année qui lui fera le plus grand bien et l'aidera à s'ouvrir au monde. Pour l'heure, Maxime est encore en négociation avec la maman. Il s'agit de la convaincre de renoncer à la pension de sa fille pendant une année scolaire. Nonobstant ce détail, il y a peu de chances qu'elle refuse. Une femme seule aux prises avec deux adolescentes sait reconnaître une offre irrésistible quand elle la croise. Un soir, Maxime a un coup de chance. Dans un hangar, il découvre un mobilier d'hôtel complet. Deux lits doubles, des tables de chevet, des commodes, une coiffeuse. C'est un style classique qu'on retrouve dans tous les motels des États-Unis. Faustine rit. Lui qui voyage si souvent ne sera pas dépaysé qu'il aille dans le New Jersey ou en Caroline du Sud. Myrtille sur l'épine maïs, le vendeur accepte de les livrer, ce qui est fait quelques jours plus tard. Toujours avec le même plaisir, Faustine installe son sweet home. La jeune femme s'amuse de la taille des commodités. À part pour la baignoire, le reste est gigantesque. Le frigo, un mastodonte colossal dans lequel, en Europe, on en logerait 300 peines. Ensuite, le four. Ses dimensions dépassent tout ce qu'elle a connu à ce jour. Très vite, grâce au bon conseil de sa copine Judy, l'épicière, elle maîtrise désormais totalement la fabrication de son pain. Sitôt sa pâte levée dans la buanderie, Faustine remplit une douzaine de moules qu'elle enfourne tous ensemble. Refroidie, elle les emballera séparément et les placera dans le compartiment de congélation. Du pain pour deux semaines en une seule fois. Et Billie Holiday qui chante « The Man I Love » en arrière-plan. Ça, c'est le rêve faustinien.